La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le lundi 26 janvier, à la salle Richelieu, les comédiens français ont donné une représentation de la comédie-ballet de Molière, Le bourgeois gentilhomme, que vous allez entendre dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Messieurs Denis Dinès, le maître de philosophie, Maurice Escande, Dorante, Louis Seigné, Monsieur Jourdain, Jacques Charon, le maître à danser, Robert Manuel, Coviel, Robert Hirsch, le maître de musique, Jean Piat, Cléonte, Teddy Bilis, un garçon tailleur, Jean-Louis Gemma, le maître tailleur, Michel Galabru, le maître d'armes. Et Mesdames Béatrice Bretti, Nicole, Moni Dalmès, Dorimène, Yvonne Godot, Lucille, André de Chauvron, Madame Jourdain. Messieurs Vacchia et puis Bernot, élèves du conservatoire, les laquais. Pour la partie chantée, Messieurs Molien et Hoffmann, et Mesdemoiselles Meyer et Duhesneau. Pour les danses, Messieurs Pandelé, Courtois, Faye, Willy Bazin, Vassilikowski, Seri et Mademoiselle Amy. Divertissement réglé par Madame Léon Maille de l'Opéra, mise en scène de Monsieur Jean Meyer, orchestre sous la direction de Monsieur André Jolivet. Peut-on voir ce que c'est? Vous voulez les entendre avec le dialogue quand il viendra.

pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais, monsieur. L'autre laquais. Monsieur. Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre l'air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes d'affaires un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Je l'enquille. Non. Attendez. Je crois que je serai mieux sans robe. Cela ira mieux. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême, très puit à vos rigueurs, vos beaux yeux. Si vous traitez ainsi, quel irbis qui vous aime? Hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Si vous traitez ainsi, quel irbis? Cette chanson est un peu lugubre. Et elle endort. Et je voudrais que vous la puissiez un peu racaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Oh, on m'en a pas rien. Tout à fait joli, il y a quelque temps. Attendez. Là. Et comment est-ce qu'il dit? Dans ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Oh. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Mouton. Hélas, hélas, elle est cent fois, mille fois plus cruelle que n'est le tigre.

la, la, en cadence, s'il vous plaît. La, la, la, la, la jambe droite, la, la, la. Ne remuez point dans la tête. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Vos deux bras sont estropiés. La, la, la, la, la, haussez la tête. Tournez la pointe du pied en dehors. La, la, la, dressez votre. Monsieur Jourdain a terminé sa leçon de danse en apprenant à faire la révérence. Puis il passe à un autre genre d'exercice avec son maître d'armes qui lui apprend à battre en quarte et en tierce. À peine cette leçon est-elle terminée qu'une violente querelle éclate entre les trois professeurs, persuadés chacun de l'excellence de leur discipline, quand survient le maître de philosophie qui va donner à monsieur Jourdain sa première leçon. Oula ! Vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc, y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère sur la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Et quoi, messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Il a raison. Ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire les injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de faits de gloire et de conditions que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens que la science de tirer les arts est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tout droit bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses qu'on ne doit pas vraiment honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de paladin. Allez, philosophe de chien! Allez, bénitre de pédant! Allez, cuistre fiévé! Comment, marot que vous êtes! Il saurait que faire. Je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Oh, non. Venons à notre leçon. Monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Ça n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais. Car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences.

Gabriel, qui t'aurait reconnu comme te voilà ajusté? Vous voyez? De quoi rit-il? Une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne peut manquer de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire tandis que je vous conterai le reste. Et voici que commence la mascarade turque, la fausse cérémonie pour ennoblir M. Jourdain et lui conférer le titre de Mamamouchi. Sous la conduite de Koviel, déguisé en grand mufti, les derviches, les turcs dansants et les turcs musiciens, somptueusement vêtus et en turbanés, font en ballet leur entrée. Habille M. Jourdain en mamamouchi, longue robe, immense turban, grand sabre recourbé en sautoir. Dice turco e questa è la Battista, la Battista, la Battista! Yo! Sunglista! Yo! Cofita! Yo! Usita, morista, cronista! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Starpagana! Yo! Luterana! Yo! Puritana! Yo! Bramina, bofina, durina! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Mahometana! Mahometana! Ils saisissent M. Jourdain et le font sauter en l'air. Danseurs se retirent. L'obscurité se fait. Dans un halo de lumière, M. Jourdain est resté seul. Soudain, la porte du premier étage s'ouvre et s'éclairant d'une bougie, voici Madame Jourdain. Elle n'a pas vu son mari assis au milieu de la pièce. Soudain, elle l'aperçoit. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie, donc ? Mahometa per Jordina ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Jordina ! C'est-à-dire Jourdain ? Eh bien, quoi, Jourdain ? Voler far une paladine de Jordina ! Comment? Dar tourmenta con galera. Qu'est-ce à dire cela? Per défendre Palestina. Que voulez-vous en dire? Dara, dara, bastonara. Qu'est-ce que c'est donc ce jargon-là? Non tener honte, non tener honte, questa star, l'ultima fronta. Qu'est-ce que c'est donc tout cela? Ou là-bas? Balachou. Balabas. Balada, oulaba, balachou, balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balaba, balachou, balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balada, babalachou, balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balada. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Paix, insolent, portez un respect à monsieur le Mamamouchi. Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Ah ah! Voici justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous côtés. Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qui se puisse voir. Je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas et il est digne d'une bonne fortune. En outre, nous avons ici un balai qui nous revient qu'il ne faut pas laisser perdre. Il faut bien voir si mon idée pourra réussir. Oh, Dorante, j'ai vu ici des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses que je ne puis plus souffrir, oui. Je veux vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est là le vrai secret, car ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez. Madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez plus un sou. Que j'ai l'obligation aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, si bien que mon cœur, et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Oh, et voici notre homme. La figure en est admirable. Monsieur, nous voulons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand turc. Monsieur, Je vous souhaite la force du serpent et la prudence du lion. Je suis bien aise, monsieur, d'être les premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Ce n'est rien, j'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Oh, vous voyez, madame, que M. Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait dans la gloire connaître encore ses amis. Et c'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Mais où est donc son Altesse turque? Nous voudrions, comme vos amis, lui présenter nos deux. Le voilà qui vient. J'ai envoyé guérir ma fille pour lui donner la main. Oh. Oh. Monsieur, nous voulons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père. Il a assuré avec respect de nos très humbles services. Bah, où est donc le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez comme il répondra. Il parle turc à merveille. Voilà. Où tu en prêtes-il aller? Monsieur est un grand signore. Grande signore. No. Grande signore. E madama, una grande dama. Grande dame. Lui, monsieur, lui. Mamamouchi français. Et madame. Mamamouchi française. Je ne peux pas lui parler plus clairement. Bon, voilà l'interprète. Mais où allez-vous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Vous voyez? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous le disais bien. Il parle turc. Et cela est admirable. Oh, venez, ma fille. Venez, approchez-vous. Donnez la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Comme vous voilà fait, c'est une comédie que vous jouez. Non, ce n'est pas une comédie. C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux pas me marier. Je le veux, moi, qui suis votre père. Raphaël. Oh, que de bruit, allons ça, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes extrémités. Derrière le dos de M. Jourdain, Cléonte décolle sa fausse barbe et Lucille le reconnaît. Ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment, nous? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carré de pronom. Taisez-vous, impertinente. Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose.